Transcender une forme prend du temps. Pour transcender une expérience karmique, la vibration finale revient donc à l'ego de traverser la forme en cassant et pulvérisant de son mental toute forme d'astralité liant à une expérience de vie karmique. L'élévation centrique de l'ego dans son mental supérieur à la reconnaissance palpable et éventuelle et même inconditionnelle d'une convergence cosmique entre l'ego, l'esprit et sa destinée vibratoire est ce qui permettra à l'ego de tasser l'astral et de transcender une expérience. Le vide parcouru à l'intérieur d'une forme est une étape ou une phase d'intégration nécessaire à la transition vibratoire de l'ego vers un éther atomique de conscience irréversible sur une forme. C'est-à-dire que l'astral ne pourra plus accomplir sa mission sur l'ego éventuellement parce que l'ego n'appartiendra plus vibratoirement dans sa réalité à des forces involutives de programmation le condamnant à vivre une forme expérimentale, karmique, nécessitant de l'ego, de l'expérience pour la transcender. Soit qu'un jour l'ego s'élève totalement à la lumière de ce qu'il est pour être ce qu'il doit être. Pourquoi est-ce que le vide, avant de transcender une forme, est nécessaire? Celui-ci permet à l'ego de ne pas trop se prendre au sérieux. Et c'est à ce temps qu'il comprend, même s'il veut transcender une réalité qui est difficile pour lui, qu'il ne décide de rien, cet ego, sinon que la descente ultime d'une conquête absolue de sa dimension éthérique dans la matière, pouvant lui permettre alors de transcender la forme. Il y a énormément de formes qui sont vécues par les individus et qui les traumatisent dans leur mental ou qui les figent sur place parce qu'ils considèrent un jour que la phase d'intégration reliée à une capacité d'intégrer son mental complètement doit être un mental toujours actif. Le vide est parfois un passage nécessaire pour simplement comprendre que la lumière et l'évolution de l'ego dans l'homme représentent une multidimensionnalité totale de ne pas craindre la vie d'aucune façon. Est-ce que le vide dans la phase d'intégration de l'ego pour reconnaître ce qu'il doit acquérir comme expérience est nécessaire à l'évolution d'une conscience parfaite? La réponse est oui. Qu'est-ce que le vide? Le vide est l'incapacité de l'homme à se réfléchir. C'est une dimension cosmique dans l'ego qui lui retire dans sa totalité la pensée que l'ego peut décider complètement de sa vie. Certes, l'ego décidera toujours de la gestion des événements et des expériences et comment il les confrontera, comment il les intégrera. Mais est-ce que la totalité d'une expérience relève d'un principe atomique? La réponse est oui. Cela veut dire que la convergence entre l'esprit et l'ego dans la matière doit être totale pour que la forme de l'astralité qui garde l'ego dans une forme active soit épurée. Et cette épuration ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est pour ça que transcender une forme prend énormément de temps. Les forces de la lumière décrivent le vide comme étant ceci. Une interface de l'ego avec sa lumière, et deux, une réalité qu'il doit comprendre selon toutes les sphères de conscience accessibles à sa vibration pour transcender totalement son expérience matérielle. Tant que l'ego n'a pas une interface totale avec sa lumière, il est prisonnier de la programmation d'âme qui exerce sur lui la pression constante qu'il est mortel dans la matière. Ce faisant, son lien ou les liens karmiques de l'ego avec le monde de la mort ne sont pas dissous. Et c'est pour cela que le vide entre dans toute sa totalité et sa force de destruction pour l'ego, une simplicité rappelant à l'homme que ce ne sera pas nécessairement totalement lui qui décidera qu'une forme est terminée, mais bien que la rencontre de l'homme avec sa lumière atomique lui permettra tout simplement de dire qu'une forme est terminée. La lumière recherche dans l'homme sa plus haute vibration, ce qui veut dire que la lumière est en conquête constante d'éther plus grand dans l'homme pour générer sur la Terre une dimension toujours plus atomique, poussant même l'homme à être dans un processus accéléré pour confronter sur la Terre les énergies de l'astral. Est-ce que la lumière a besoin de l'homme? La lumière n'a pas nécessairement besoin de l'homme parce qu'elle peut accomplir ce qu'elle veut sur la Terre sans que cet homme soit d'une haute vibration pour qu'elle puisse accomplir ce qu'elle veut faire. Cependant, pour l'intégration totale des trois principes de l'intelligence, de la volonté et de l'amour, la lumière ne peut pas se passer de l'homme. Elle lui fait donc vivre dans sa conscience des voiles très cachées de la nature dynamique et cosmique de l'homme. C'est pour cela que le vide est parfois long et que la transmutation d'une forme nécessite par l'homme qu'il ne fasse rien, sinon que de s'étudier et d'être entre-temps totalement disponible à sa réalité mentale, supramentale, pour que sa conscience s'ajuste non pas à l'énergie d'une forme qu'il doit transcender, mais qu'elle s'ajuste, cette conscience, à la nécessité d'élever son taux vibratoire lorsque la rencontre finale et ultime se fera entre lui et les forces astrales. Le vide est ce chemin que l'homme parcourt avant cette rencontre ultime, car dans le vide, l'homme est en mesure, dans une phase d'intégration très intense et précise, de percevoir mieux l'ensemble de sa destinée cosmique sur la Terre, relevant uniquement à la fin de son expérience vibratoire sur la Terre, à la conquête de ce que doit être la Terre dans les mains de l'homme. Les mains de l'homme vont prendre ce qu'il reste de l'astral un jour pour l'utiliser à bon escient, ce qui permettra au monde de la mort de s'épurer plus rapidement et d'inverser totalement le principe incarnationnel et karmique des expériences que l'homme doit transcender dans la matière pour être ce qu'il doit être. Un jour, les âmes se incarneront avec un bagage mémoriel très limitatif parce que la contenance vibratoire de l'homme pour contenir sa lumière sera beaucoup plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Le vide est pratiquement ceci dans l'homme, un positionnement de sa conscience avec la vie qui ne l'amène pas à craindre celle-ci, mais bien à la dompter et à la mater complètement. Lorsque vous croyez que vous devez faire quelque chose, vous êtes déjà manipulable. Mais lorsque vous savez que ce que vous avez à faire est, pour un certain moment, de simplement intégrer la finalité intégrale de ne rien faire et de laisser les forces de la lumière agir sur votre mental sans que vous n'ayez de crainte, c'est cela qui permet alors à l'homme d'épurer son mental et de rester intact dans le fait qu'il ne fait rien, mais que tout ce qui émane de la lumière sur sa conscience est totalement intégré par son ego, parce qu'il ne craint pas la vie d'aucune façon. De permettre à un ego d'être dans sa lumière et d'être sur la terre inactif devant la vie est ce que les forces de la lumière appellent le vide. Cela veut dire que l'ego sait parfaitement dans l'homme que tout ce qui se décide en lien avec le devenir cosmique de son être pour qu'il y ait dans sa conscience la vibration absolue d'une lumière prépersonnelle, n'appartenant pas à la Terre, mais aux éthers des intelligences de création pour donner à la Terre son mandat cosmique, fait partie de l'homme à ce moment. Et c'est pour cela que l'ego, dans le vide, se retire de la crainte et il ne fait qu'être un être vibratoire pour traiter avec la vie. Il n'y a aucune façon psychologique pour l'ego de dompter la vie. Il n'y a non plus aucune transmutation karmique d'une forme dans l'ego qui se fera tant que l'ego ne la comprendra pas totalement pour simplement s'asseoir dans sa conscience et laisser le temps agir pour que lui comprenne que c'est l'élévation de son mental à la compréhension absolue de la forme qui fera le travail pour lui et non lui qui doit agir sur la forme pour que le travail se fasse. Vibratoirement, l'homme a toujours pensé qu'il devait agir sur la vie, car la puissance de décider et de gérer sa vie parfaitement lui revient totalement. Et lorsque l'ego apprend à décider des actions qu'il doit faire pour neutraliser les forces astrales en lui, cela est nécessaire. Il doit étudier sa vie et la comprendre mieux pour mieux décider. Mais arrivera le temps un jour où la force et la puissance de décider ne relèvera pas de l'homme, car il aura à vivre le vide parfait, que ce sont les forces de la lumière qui décideront de la courbe ultime de la puissance d'intégration que cet ego aura pour conquérir la matière. Car si l'homme n'a pas accès à des éthers de lumière plus subtils, lui permettant d'entrevoir et d'ouvrir des portes nouvelles pour descendre dans sa conscience la dimension éthérique de l'éther, l'homme reste un être mortel. Lorsqu'on parle d'éther, cela signifie que la lumière est descendue dans la matière et que la conscience de l'homme s'éthérise. En s'éthérisant, l'homme a accès au corridor absolu du mensonge et de l'ensemble des réalités qui doit gouverner la Terre sans que lui n'ait à prendre position. Pourquoi n'a-t-il pas à prendre position? Parce qu'il sait systématiquement que les forces de la lumière auront, dans les prochaines années, le droit absolu d'intervenir, car ils auront un grand travail à faire pour expulser de la conscience de la Terre l'astral. Entre-temps, l'homme vivra le vide, il pensera peut-être qu'il ne se passe rien, alors qu'en réalité, il y a déjà sur les plans invisibles, au-dessus de la Terre, des combats entre la lumière et la noirceur pour que la Terre demeure, dans les années à venir, sous le joug de l'autorité de l'homme actif qui pourra, lui, à ce moment, dans sa parole, désactiver les corridors de la noirceur sur la Terre. Le travail sera grand, sera long, mais il reviendra à l'homme d'expulser de la Terre les forces astrales. Ce temps viendra lorsque l'homme aura vécu dans sa conscience suffisamment d'interfaces de lumière pour ne plus être assujetti à des fatalités nécessaires pour épurer la Terre d'un processus incarnationnel. Certes, l'homme doit transcender des formes et se placer au-dessus de la forme. Transcender une forme prend du temps, car la forme vécue relève d'une reconnaissance vibratoire par l'homme de ce que l'ego doit casser en lui pour mieux s'étudier et mieux comprendre que la totalité et la finalité de son expérience se résoudra dans le vide mental qu'il aura à vivre. Ce vide mental est beaucoup plus grand que simplement ne pas avoir de pensée dans son mental. Le vide absolu pour un ego dans la matière est de comprendre qu'il ne peut pas agir vibratoirement sur les effets pernicieux de la noirceur sur la Terre sans que la lumière ne le décide pas. En l'occurrence, les forces involutives de la Terre sont ici encore pour rester et elles seront expulsées de la Terre lorsque la lumière en décidera le temps. Et ce temps correspond naturellement avec l'élévation vibratoire du mental de l'homme et de la conscience planétaire de l'homme en lien avec ce qu'il vient faire sur la Terre. S'il n'y a pas assez d'hommes et de femmes pour supporter le feu cosmique de la lumière sur la Terre, il est assuré que la lumière ne peut pas non plus agir, car ce ne seront pas toutes les consciences qui pourront communiquer dans un dialogue absolu avec la lumière pour assurer à la lumière que son travail de descendre dans la matière des instructions précises en lien avec la vision finale de l'homme dans sa conquête éthérique repose donc sur une nécessité totale de l'homme d'être dans le vide de l'expérience de sa conscience intergalactique. Une conscience intergalactique correspond, ou jupitérienne, correspond à la nature même de l'homme cosmique, soit qu'il comprend le jeu de la lumière, le mandat cosmique de celle-ci face à la Terre et comment elle doit agir pour que ce partage des tâches entre l'homme et elle ne soit pas un principe de domination. La lumière n'impose pas à l'homme le vide, mais elle le force à réaliser que c'est dans le vide, c'est-à-dire que lorsque l'ego n'est plus engagé d'aucune façon à être conscient, qu'il est conscient. Pour la lumière, être conscient, ce n'est pas la même définition que l'homme se donne. Pour l'homme, lui, être conscient, ça veut dire qu'il comprend la vie. Alors que pour la lumière, la conscience, c'est l'électrification totale de l'homme à la nature cosmique de la lumière, d'une vibration lui permettant d'être un créateur de la vie. C'est cela pour la lumière, la conscience. C'est une dimension supramentale du cerveau, du mental de l'homme, lui permettant d'être un jour un être totalement immortel. La conscience pour l'homme supramental est une dimension lui permettant de comprendre mieux les éthers cosmiques de la lumière, mais aussi d'intercepter dans sa conscience la nature astrale de la pensée pour qu'un jour l'ego soit en mesure de transcender les formes qu'il vit. Il ne faut pas mélanger conscience et psychologie. Certes, il y a des gens qui ont une belle psychologie et on dira d'eux qu'ils ont une capacité d'étude très grande. Mais de la conscience, ce n'est pas de la psychologie. La conscience amène dans l'ego une psychologie évolutionnaire lui permettant de saisir les interfaces de la noirceur sur la Terre qui percute son ego pour l'amener à vivre de la crainte. Lorsque l'homme rencontre une autre personne, que celle-ci soit une femme ou un homme, elle doit être en mesure de capter vibratoirement la nature céleste de sa psychologie pour savoir éventuellement si cette personne peut transcender des formes de crainte absolue en lien avec l'invisible. La crainte la plus grande de l'homme en lien avec l'invisible est de découvrir qui il est. Et forcément, lorsqu'une conscience s'éthérise, cela veut nécessairement dire qu'elle doit vivre des vides très grands dans la matière pour comprendre que sa vie n'est pas réellement sa vie, mais c'est plutôt une élévation de son mental à la compréhension absolue que l'homme est un être solaire. Quand l'homme réalise qu'il est un être solaire, que se passe-t-il? Il est capable de vivre le vide dans la matière et de ne plus se soucier de sa vie parce que sa vie se situe désormais à un autre niveau. Étant celui-ci, d'éthériser tous les aspects de sa vie en sachant que tout ce qui se passe sur la Terre est une réalité ne lui appartenant pas. Est-ce que l'homme se sort de la matière de cette façon? Non, car il peut, avec son entourage, bénéficier de la sensibilité des êtres qui l'entourent sans se soucier de les rendre conscients. La conscience supramentale est celle de parler la vie sans la réflexion. Pour qu'il n'y ait pas de réflexion dans le mental de l'homme, l'homme doit composer avec le vide. Ce sont les vides que vit l'homme qui lui permettent par la suite d'être disponible à la conscience des individus qu'il rencontre ou à la conscience que l'ego doit parfaire totalement sa vie pour être en mesure d'aimer l'homme. Le caractère atomique de l'homme sur la Terre est l'inversion totale des lois de la noirceur sur sa conscience. Ce qui donne à l'homme une puissance atomique, c'est la construction d'un ego parfait autour d'une seule force dans l'homme, soit que la rencontre intégrale de la volonté cosmique de l'homme avec son intelligence cosmique est ce qui lui permet d'avoir une dimension totalement universelle et solaire, permettant par la suite aux énergies très avancées de la lumière d'être dans son mental présent. Par la suite, l'homme peut canaliser ou recevoir dans son mental l'énergie des forces de l'amour, car ces forces relèvent de la naissance du vide dans l'homme pour être lui-même un vase plein. Le vide, lorsqu'il est intégré par l'homme, devient sa voyance, car l'électrification de l'homme à la compréhension qu'il n'a pas à craindre la vie parce qu'il l'a intégrée dans son mental est une dimension cosmique de l'intelligence qui amène sa volonté à ne pas croire qu'il doit agir sur des formes quand celles-ci relèvent totalement de la lumière. Tant que les forces de la lumière n'ont pas descendu dans la matière des pylônes d'énergie qui permettront de propulser dans la matière des éthers de vie plus grands pour tasser complètement l'astral, l'homme va vivre sa vie dans la matière sous l'influence des forces karmiques de l'âme. Et à ce temps, il lui est beaucoup plus difficile de transcender les formes, car le chemin de sa conscience est entravé de réalités que la lumière sait qu'elle ne peut pas retirer, car cela n'est pas encore le temps. Comment l'homme peut-il vivre le vide sur plusieurs années et saisir aussi que c'est la lumière qui agit en même temps sur son mental pour l'élever à une électrification parfaite, lui permettant de saisir que les atomes cosmiques de sa conscience n'ont pas à être descendus présentement pour des raisons qui ne lui appartiennent pas, mais qui relèvent intégralement de sa capacité à reconnaître qu'il y a des éthers de conscience que la lumière fera descendre un jour pour que la Terre s'éthérise. Il le vit de cette façon. Il sait qui il est parce que le principe identitaire de sa conscience d'élever sa manifestation atomique à une voyance absolue de ce que la lumière veut faire et que ce que lui est dans la matière est une seule vibration. Le vase communicant étant que la mort se retire de la conscience de l'ego parce qu'il craint de moins en moins son immortalité et les infinités de la vie. C'est seulement dans le vide que l'homme peut capter les infinités cosmiques de la vie sur les hauts plans parallèles de la conscience supramentale. Ces infinités sont grandes et elles se résument à ceci pour l'homme. C'est que son devenir absolu en tant que conscience cosmique a déjà été décidé depuis des milliards d'années. Peut-être que lui ne le capte pas sur la Terre parce que sa dimension éthérique n'est pas assez présente. Et c'est pour cela qu'il s'inquiète dans la matière à ce qui va arriver à celle-ci. Alors qu'en fait, pour les forces de la lumière, il n'y a aucune raison pour l'homme de craindre la vie. Il est immortel du moment qu'il a puissamment deux forces centriques en lui qui élèvent l'atome de son être à une force absolue de conquête qui relève subtilement de la force oméga dans l'homme, c'est-à-dire tout ce qui ne se pense pas est une vibration et une vibration est une force de créativité mentale permettant à l'homme de saisir que l'éther d'une matière repose sur sa capacité à l'homme d'en élever les atomes pour qu'il soit bien dans sa conscience et dans les environnements qu'il va. Le rayonnement vibratoire de la conscience de l'homme et de son ego se précise. Mais celui-ci n'est pas encore suffisant pour lui permettre d'éduquer les morts et ainsi faire reculer sur la terre les forces karmiques. Pour transcender une forme, l'ego doit la connaître, certes, mais il doit aussi, dans sa conscience, être capable de se générer vibratoirement à un taux vibratoire plus élevé pour que celle-ci recule. Lorsque l'homme est dépassé par un événement ou une expérience karmique, cela veut dire qu'il n'y a pas encore en lui assez de force de centricité pour élever dans la colère et la haine contre tout mensonge sa conscience pour faire reculer l'astral en lui. L'intégration du vide est intimement reliée à une dimension d'éther par laquelle l'homme peut, autant parce qu'il se met en vibration pour élever le feu de sa conscience à ce qui se passe autour de lui, et c'est ce qui ensuite lui permet d'inverser les forces astrales qui veulent venir à lui, en les dévoilant ou en les pulvérisant totalement, parce que sa lumière ou l'aura de sa conscience fait automatiquement reculer l'astral. La capacité de la lumière à pénétrer l'homme totalement fait partie de la nature même de l'homme à comprendre que tout ce qu'il vit dans sa conscience doit être une fusion parfaite avec la vie matérielle. Et lorsque l'homme réussit à être dans la matière sans inquiétude, sans crainte, il lui est possible d'accepter le vide et de reconnaître que tout ce qui viendra à sa conscience fera partie aussi de ce qu'il aura décidé. L'homme est dans le vide de ce qu'il sait de lui-même, soit qu'il n'a pas de crainte face à la vie, un rayon dynamique de lumière. Il capte les infinités de la vie et il s'immortalise davantage dans son corps matériel pour un jour ne plus être mortel. La fusion de l'homme avec sa lumière correspond à un vide plein, soit qu'il a suffisamment vécu le vide pour être, dans son identité, un atome cosmique dans la matière. Ce qui définit la lumière, c'est la dimension éthérique de pouvoir se greffer à des forces de construction lui permettant d'élever succinctement la nature même de sa vitesse cosmique pour se déplacer dans les espaces-temps et les corridors infinis des univers parallèles. Ce qui correspond à la lumière dans l'homme, sur la Terre, c'est la capacité de pulvériser dans son mental toutes les dimensions astrales de sa conscience pour ensuite connaître le vide. Et lorsqu'il connaît le vide, c'est à ce moment que les inquiétudes de son ego face à la vie et les craintes qu'il peut avoir vécues pour transcender une forme ne font plus partie de sa conscience, car il sait que cette transmutation finale se fera dans l'inversion totale des énergies astrales de l'âme en lui, ce qui veut dire la fusion parfaite de l'homme avec la lumière dans la matière. À ce moment, l'homme a accès au pôle absolu de l'intelligence, de la volonté et des énergies de l'amour pour atomiser vibratoirement tout ce qu'il est à un statut universel de conscience jupitérienne. Il ne faut pas être conscient pour être intelligent. Il faut être intelligent pour être conscient. Ceci veut dire que l'homme n'a pas à chercher à être conscient. Il a simplement à gérer sa vie parfaitement et c'est de cette manière qu'il s'amènera à transcender des formes qui, pour lui, sont problématiques à ce stade de sa vie. Mais plus il avancera dans la conscience d'un devenir ne lui permettant plus de croire ou de penser qu'une forme relève ultimement de la simple expression d'une décision venant de lui-même, il saura qu'il est un être totalement fusionné à sa lumière, parce que la lumière lui aura dit ce qu'il est d'une manière si précise qu'il ne pourra pas le contester. Et la lumière sait quels sont les doubles qui sont en mesure d'élever dans le mental de l'homme la structure vibratoire du vide pour leur permettre à ces êtres d'être une rencontre absolue et parfaite de l'intégration céleste de l'homme dans la matière pour que les pylônes qu'elle doit faire descendre sur cette terre puissent prendre un ancrage total afin que la lumière puisse envoyer des voyageurs du temps sur celle-ci afin de seconder l'homme dans sa nature cosmique pour épurer de la matière, l'astral et les forces de la noirceur. Il y a longtemps que la Terre est soumise à des forces involutives. Ce n'est que depuis les 50 dernières années que les forces de la lumière travaillent à inverser dans l'homme les forces astrales de sa conscience. La descente de la conscience supramentale aura permis à la Terre de comprendre mieux ce que veut dire transcender des formes karmiques pour que l'ego puisse s'élever en conscience à sa propre lumière. Le vide est la rencontre ultime entre l'homme et sa lumière. C'est une habitation parfaite de la lumière dans l'homme afin de pulvériser en lui les dernières craintes de son ego face à la mort, les infinités de la vie et du cosmos. Quand l'homme peut être intact dans son mental pour capter les infinités de la vie, cela veut dire qu'il y a une grande capacité d'absorption dans son mental qui se fait en rapport avec le fait que l'homme doit être visionnaire de sa propre lumière pour que celle-ci se génère sur la Terre. L'homme n'a pas à quémander à être lumière. Il doit la générer, cette lumière, pour que les formes astrales de la Terre soient éventuellement évacuées. En somme, lorsque l'homme peut réussir dans sa vie à saisir que la planète Terre est gouvernée pour le moment par des forces astrales, il peut également saisir que cela a une finalité. C'est à ce temps qu'il se met à la disposition de sa propre lumière pour comprendre que tout ce qui se passe dans la matière est une dimension éthérique de la représentation de ce qui se passe sur les plans face à ce qu'il vit dans la matière. La liberté intégrale de l'homme est de lui permettre de saisir ce que la Terre doit vivre, sinon il ne sera jamais libre sur cette Terre. Autrement dit, ce n'est pas parce que la Terre connaîtra de grands bouleversements que l'homme ne sera pas libre. Il sera libre parce qu'il saura que la lumière compose avec le vide de sa conscience en lien avec tout ce qui se passe pour que lui ne subisse pas d'aucune façon ce que la Terre doit vivre. En étant dans le vide, l'homme est vibratoire par l'impression qu'il doit faire quelque chose pour la gouverner ou encore pour l'amener à s'épurer. L'homme n'a rien à faire sinon que de faire ce qu'il doit faire en lien avec son talent, c'est-à-dire son statut cosmique, qui est probablement celui-ci pour tous les hommes un jour, d'être ultimement liés dans leurs paroles à la manifestation vibratoire et prépersonnelle de ce qu'ils sont en tant qu'êtres de lumière sur Terre. Le vide est donc la manifestation absolue de la réalité que l'homme ne doit pas se réfléchir et qu'il doit continuellement être un ego vibratoire pour décider de gérer sa vie, c'est-à-dire qu'ultimement, sa rencontre finale avec la fusion et l'intégration atomique de l'infinité de son immortalité ne relève pas de lui, mais relève de ce que la lumière sait, de ce qu'il peut être dans ses infinités de vie pour la matière. L'homme ne doit jamais oublier que les forces de la lumière connaissent très bien l'homme. Et que l'homme, oui, il peut connaître sa liberté, il peut connaître comment fonctionne sa conscience, sa psychologie, mais jamais il ne pourra être dans la certitude absolue qu'il est immortel tant qu'il ne le vivra pas sur les plans éthériques d'une conscience solaire, qui nécessitera probablement qu'il aura à quitter la Terre pour vivre ce principe, puisque la Terre n'a pas le taux vibratoire d'énergie suffisant pour l'instant permettre à l'homme d'être immortel dans la matière. Mais cela viendra, car telle est la destinée de l'homme dans la matière, d'être un être immortel et de pouvoir un jour voyager dans d'autres espaces-temps, qui lui permettra d'élever en vibration d'autres éthers de vie, parce qu'il aura déjà fait le même travail sur la Terre, c'est-à-dire d'épurer toutes les formes d'égocentricité reliant l'homme à une conscience mortelle. Cela prend du temps pour transcender une forme, et la forme que la Terre doit transcender, c'est son astralité. Pour transcender cette astralité-là, il a compris que la lumière doit l'habiter, l'homme, et non pas simplement le rendre conscient. Car être conscient, ce n'est pas suffisant. Il faut s'habiter en lumière pour être omniscient. Et c'est quand l'homme est omniscient qu'il est cosmique et qu'il est capable de vivre le vide sans être perturbé par ce vide. Le vide étant une fusion entre l'homme dans son ego avec la certitude qu'il ne doit jamais s'inquiéter de rien.